Deuxième livre des Chroniques, chapitre 22. Et les habitants de Jérusalem établirent roi en sa place Achazia, le plus jeune de ses fils, parce que les troupes, qui étaient venues avec les Arabes en forme de camp, avaient tué tous ceux qui étaient plus âgés que lui. Ainsi Achazia, fils de Joram roi de Juda, régna. Achazia était âgé de 42 ans quand il commença à régner, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère avait nom Athalie, et elle était fille d'Onri. Et il suivit le train de la maison d'Achab, car sa mère était sa conseillère à mal faire. Il fit donc ce qui déplaît à l'Éternel, comme ceux de la maison d'Achab, parce qu'ils furent ses conseillers après la mort de son père, pour son malheur. Même se gouvernant selon leurs conseils, il alla avec Joram fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre à Ramoth de Galaa, contre Hazael roi de Syrie, là où les Syriens frappèrent Joram, qui s'en retourna pour se faire panser à Jisréel, à cause des blessures qu'il avait reçues à Rama, quand il faisait la guerre contre Hazael roi de Syrie, et Azaria fils de Joram, roi de Juda, descendit à Jisréel pour voir Joram le fils d'Achab. Parce qu'il était malade. Et ce fut là l'entière ruine d'Achazia, laquelle procédait de Dieu, d'être allé vers Joram, parce qu'après y être arrivé, il sortit avec Joram contre Jéhu fils de Nimsi, que l'Éternel avait oint pour retrancher la maison d'Achab. Car quand Jéhu prenait vengeance de la maison d'Achab, il trouva les principaux de Juda, et les fils des frères d'Achazia, qui servaient Achazia, et les tua. Ayant cherché Achazia qui s'était caché en Samarie, on le prit, et on l'amena vers Jéhu, et on le fit mourir, puis on l'ensevelit, car on dit, c'est le fils de Josaphat, qui a recherché l'Éternel de tout son cœur. Ainsi la maison d'Achazia ne put point se conserver le royaume. Et Athalie mère d'Achazia ayant vu que son fils était mort, s'éleva, et extermina tout le sang royal de la maison de Juda. Mais Jéhozabad fille du roi Joram prit Joab fils d'Achazia, et le déroba d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir, et le mit avec sa nourrice dans la chambre au lit. Ainsi Jéhozabad fille du roi Joram, et femme de Jéhojada le sacrificateur, le cacha de devant Athalie, à cause qu'elle était sœur d'Achazia, de sorte qu'Athalie ne le fit point mourir. Et il fut caché avec eux dans la maison de Dieu l'espace de 6 ans, cependant Athalie régnait sur le pays.